Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une émission en différé, enregistrée un petit peu plus tôt dans la semaine, une émission très particulière ce soir, puisque de 21 à 23, donc on aura l'émission Hellbanger sous son format classique. On vous présente les groupes, les albums, on s'écoute deux morceaux, blablabli, blablabla. Et à 23h, on basculera sur une émission spéciale Halloween. En fait, quand on a vu au niveau du calendrier que ça tombait un dimanche soir, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas proposer quelque chose de novateur. Hein, Donc voilà, avec Thibaut et Sylvain, on s'est adonné à un nouveau format d'émission. Donc encore une fois, un très, très ponctuel. Que du coup que vous retrouverez à partir de 23h. Je vous en dis pas plus pour le moment. Bon, ça c'est juste que par logique, on s'est inspiré de la date à laquelle nous sommes au moment de la diffusion de l'émission, hein, du coup sur le thème Halloween. Donc voilà, savoir ce que nous ça nous a inspiré pour construire cette deuxième émission en bonus pendant à peu près une heure. Mais avant ça, on va donc s'envoyer deux heures de nouveautés avec en ouverture d'émission aujourd'hui une doublette scandinave. Tout d'abord Blood Red Throne, la formation de Death qui nous vient de Norvège, qui sort son nouvel effort studio le 10e. Imperial Congregation, une sortie Nuclear Blast. Et dans la foulée, nous aurons Tulkandra. Le groupe qui nous fait du Swedish Black Death à la sauce dissection, hein, on en parle très très souvent. Oui d'ailleurs j'ai dit que c'était une doublette scandinave, je me suis complètement laissé emporter par le style pratiqué par Tulkandra, parce que du coup ce sont des Allemands. Mais voilà, c'est tellement inspiré dissection qu'on croirait que le groupe vient directement de la cuisse de Nutveit. Voilà, Tulkandra, Dying Wish, nouvel effort studio déjà dispo chez Napalm Records. We All Bleed, signé Blood Red Throne. Et ensuite Nocturnal Heresy par Tulkandra. C'est parti et bienvenue dans l'émission. Doublette suivante, changement de style avec les vétérans allemands de Running Wild, le groupe de heavy power allemand sur le thème de la piraterie. 17e album studio pour le groupe, toujours emmené par le mythique chanteur-guitariste Rock'n'Rolf Kasparek. L'album est tout fraîchement démoulé, hein, sorti ce vendredi, le 29 octobre. Musicalement, à quoi on peut s'attendre du Running Wild ultra classique, musicalement, au niveau des titres de morceaux, de l'artwork, etc. Ça reste toujours cool à écouter, mais bon, faut s'attendre à absolument aucun renouvellement, et bien sûr, toujours ce son de batterie complètement dégueulasse, qui n'a pas évolué depuis les années 80. Voilà, toujours très proche d'un son de boîte à rythme. Voilà donc pour le nouvel effort studio en termes de présentation de Running Wild. À noter que ce nouvel effort studio donc s'intitule Blood and Blood. Même dans le titre de l'album, on est sur du classicisme de la plus pure tradition. Diamonds and Pearls, ah bah tiens, t'en veux encore du classique, en voilà chez Running Wild. Et en doublette avec les Allemands, nous aurons les Ricains de Waking the Cadaver, le groupe de Brutal Slam Death qui nous sort un monstrueux Authority Through Intimidation, une sortie dispo chez Unique Leader Records. Et le titre qu'on a choisi pour ce soir, c'est pas du tout un titre, comment dire, pioché au hasard, puisque vous allez prendre le temps de l'écouter très attentivement, et en fait vous allez vous rendre compte que vers la fin du titre, on a un putain d'hommage à leur morceau le plus emblématique, sorti ouvertement, hein, je suis en train de rechercher l'info, ce que j'ai totalement zappé. Le nom de cet album, c'est totalement honteux d'ailleurs. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais vous retrouver ça et puis je vous le réannonce juste après l'écoute du morceau. Running Wild, Diamonds and Pearl, Waking the Cadaver avec le très très très très bon extrait Asphyxiating Ligature. C'est parti. Time of the breeze, I see. Voilà, du coup, même si c'est une émission en différé, on prend vraiment le temps de s'appliquer à garder tous les aléas du live et du direct, ne serait-ce qu'un trou de mémoire, hein. On va pas se faire chier à réenregistrer la séquence juste parce que ma mémoire me fait défaut. Donc le titre de Waking the Cadaver qu'on vient de s'écouter, le break de fin fait complètement référence à Chased Through the Woods by a Rapist, extrait de leur album Perverse Recollection of a Necromangler, qui avait vu le jour en 2007, voilà, avec ce morceau qui est un des morceaux les plus emblématiques de Waking the Cadaver. Avec voilà, une ouverture de morceau avec un break absolument nucléaire. On va pas revenir encore sur Waking, on passe donc à la suite avec la doublette à venir 1914, le groupe ukrainien de black metal. Black, ouais, même plus, hein, puisqu'on est sur du Epic Black Doom Death. Avec quelques rehaussements orchestraux. Enfin voilà, c'est un album troisième déjà pour les Ukrainiens, ultra, ultra quali. Et là, du coup, on est sur le morceau qui fait référence à l'assassinat direct donc, de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand, donc, qui était l'élément déclencheur, bien sûr, de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ils ont écrit un texte en référence au modèle du pistolet que tenait l'assassin à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout simplement le titre qu'on va s'écouter de 1914. Et dans la foulée, Count Raven, sixième album pour ce groupe de doom suédois. Donc voilà, on est sur une doublette bien lourde et pesante. Voilà, Count Raven est a splitté à la fin 90, puis est revenu au milieu des années 2000. Voilà, on est sur un doom à l'ancienne, inspiré Black Sabbath et Saint-Vitus, entre autres. Bien que ce soit parfois un petit peu plus heavy, plus soutenu dans les tempos. Count Raven, The Six Storms, on va s'écouter le titre The Ending. Et quant à la suite, 1914, qu'on va s'écouter juste avant, extrait de leur nouvel effort studio Where Fear and Weapons Meet, une sortie Napalm Records, et ben on s'écoutera le titre qui s'appelle FN.380ACP hashtag 19074. Pour rappel, c'était le numéro de modèle de l'arme qui a servi à assassiner l'archiduc d'Autriche. Et si, je me suis amusé à le prononcer, ce titre de morceau. Allez, c'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, Knuckles, le très très bon groupe de hardcore ricain qui nous sort un EP, voilà, ils l'ont balancé il y a une dizaine de jours, sans avertir qui que ça soit. A Tear in the Fabric of Life, c'est le nom de ce nouvel EP studio, Contorting in the Fail, voilà, un des meilleurs extraits de cet EP, en même temps c'est 6 titres, c'est 6 roquettes nucléaires que vous prenez dans la gueule. Très très très très bonne nouvelle sortie studio pour Knuckles, qui renvoie directement à leur tout premier EP pop culture. Dans la foulée, on s'écoutera Deviant Process, changement radical de style, hein, parce que Deviant Process, là on est complètement sur du tech death québécois, une sortie d'album chez Season of Mist. Ça joue, c'est tech, c'est efficace et bah, bon, c'est très plaisant. Et puis c'est aussi une des nouveautés de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, Deviant Process et ce nouvel effort studio. S'intitule Nurture et pour rappel sorti sur le français Son of Mist et on s'écouterait le titre Homo homini deus, Knuckles enchaîné à Deviant Process, c'est parti. Yeah! Eh ben, la doublette suivante nous fait attaquer immédiatement l'aspect française. Nous aurons tout d'abord Hegemon, formation black metal qui nous vient de Montpellier. Ils nous sortent là leur nouvel effort studio via les Acteurs de l'Ombre, Sidereus Nuntius. Et ensuite Venefiction, groupe de death bien crado qui nous vient de Bretagne. Premier effort studio longue durée, donc après un split EP et une démo. C'est bien old school, c'est légèrement trash black dans le fond, c'est bien poissouilleux et donc ça s'écoute très bien pour entamer cette spé française. Hegemon, Shape-Shifting, Void, Venefiction, Agris, Ashes of the Dead, extrait de leur premier effort studio Aside from Below, effort studio longue durée, sorti chez Iron Bonehead Production. C'est parti. We'll be right back. zone, but you will never find it.